fort, laissez la terre. Ça, c'est sans garantie, hein. Allez là-dedans, c'est l'heure de la pause. Oh, Swashie, pousse pendant 5 minutes. Ah, voilà. Alors, t'es contente? Oui, en attendant que ça recommence. Mais qu'est-ce qu'il faut y faire? Mais je n'en sais rien. Mais moi, je ne peux pas faire de la peinture dans des conditions pareilles. Ça va s'arranger. Bah ça, j'en doute. Pourquoi? Il me faut un homme. Mais pas n'importe quel homme. Bah oui, ça c'est sûr que jolie comme tu es, tu mérites quelqu'un de bien. Remarque-moi, je suis pas trop mal. Mais je tombe toujours sur des ringards. Mais ce n'est pas un homme pour ce que tu penses. Ah, je croyais. Mais non. Quand je dis pas n'importe quel homme, c'est parce qu'il m'en faut un spécial. Un homo, quoi. Ah bon? Bon, remarque, c'est pas ce qui manque, hein. Aujourd'hui, ils courent les rues les uns derrière les autres. Non, mais tu rêves. Ah non, je t'assure, il n'y a plus que ça. Quand je dis un homo, je parle évidemment d'un homo erectus. Ah, erectus. Alors, ça, c'est peut-être beaucoup plus rare. C'est du latin. Du latin. Ah ben, faut le savoir. Bon, alors, écoute, je te traduis. Homo erectus, ça veut dire un homme debout. Superman, quoi. Oui. Alors, si je te comprends bien, homo erectus en latin, c'est Superman en anglais. Voilà. Et en français, c'est quoi? Oh, c'est un homme dans sa forme la plus pure, la plus achevée. Et il m'en faut un tout de suite pour être Spartacus. Spartacus, oui. C'est encore du latin, ça? Spartacus, c'est le nom d'un esclave. Mais d'un esclave affranchi. À combien? Oh. Affranchi, un esclave libre. Ah oui. Bah alors c'est plus un esclave. Non, non, mais il m'en faut un pour poser. Pour poser où? Eh bien pour poser Spartacus chez lui. Ah oui! En somme, si je te suis bien, tu cherches un homo erectus pour poser Spartacus. Voilà, tu y es. Oh, mais tu vois, on m'aurait dit que je comprendrais le latin aussi vite que ça, je l'aurais pas cru. Enfin bref, pour mon concours d'affiches à l'occasion du bicentenaire de la Révolution, moi j'ai choisi comme sujet Spartacus. J'ai tout compris. Et si mon Spartacus est accepté, c'est 35 000 francs pour moi tout de suite, un engagement dans une agence de pub, et alors là, je loue un atelier, adieu le piano, l'atelier qui râle, et à moi l'Amérique. Wouh! Évidemment, vu comme ça, c'est intéressant. Seulement voilà, pour en trouver un, faudrait d'abord savoir comment s'est fait un Spartacus. Spartacus doit être musclé. Bon, développé des dorsaux, le ventre plat, la narine renflée, le regard olympien, le front respire l'intelligence. Ouais, bon, bref. La peau est bistre, luisante au biceps, et la lumière doit s'accrocher à la rondeur des globes postérieurs. C'est quoi les globes postérieurs? Eh bien, les fesses. Ah bon? Bah, faut le dire. Mais où est-ce que tu vas trouver un numéro avec des fesses en globe? Même s'il ne les a pas, l'important c'est qu'il ait la forme d'un homme. Sans les globes? Mais oui. Non, le problème, c'est que je n'ai trouvé personne dans les académies. Les académies, c'est là que les modèles se réunissent. Ah oui, c'est comme qui dirait un chenil, où tu pourrais choisir ton Spartacus. Voilà, c'est pareil. Mais alors en ce moment, c'est introuvable. Oh non, c'est là qu'il ressort. Elle s'entraîne pour ses élèves. Mais des élèves, elle en a pas. C'est pour le cas où elle en aurait. Eh bien, qu'elle en cherche. Bah, bien sûr, mais c'est que les élèves, ils se trouvent pas dans les chenils comme le Spartacus. Elle a qu'à mettre une petite annonce. Une petite annonce? Mais dis, c'est pas bête, ça. Eh bien, justement, pour me remercier d'avoir eu une idée pareille, elle pourrait peut-être s'arrêter de taper. Ah, on dirait qu'elle t'a entendu. Mais dis donc, j'y pense, pourquoi t'en mettrais pas une, toi, de petite annonce, rapport au Spartacus? Tu crois? Ben voyons. Mais dans le fond, pourquoi pas? Une petite annonce, mais qu'est-ce que je risque? Alors. Cher homme Erec pour figue Sparta. Cher homme Erec pour figue? Qu'est-ce que t'entends par là? C'est abrégé. Oui, c'est peut-être abrégé, mais pour moi, c'est pas clair. Marie-Louise, réfléchis. Cher homme Erec pour figue Sparta. Cherche homo erectus pour figurer Sparta. Tus, j'ai compris. Bah, tu vois bien? Bah oui, l'abrégé c'est comme le latin, suffit de s'y faire. Après ça suit son cours. Mais par précaution, je vais quand même ajouter PPS. PPS c'est abrégé. Oui, mais quand on est dans la peinture, on sait ce que ça veut dire. Bah bien sûr, PPS, pour peindre Spartacus. Mais non, PPS, c'est pied parfait seulement, en abrégé. Oh bah oui, ça pourrait être abrégé. Oui, mais les pieds sont très importants. Alors, s'adresser ici. Demain après-midi, je mets l'adresse, et voilà. Bah si tu veux, je vais te la porter tout de suite. Ouais, c'est gentil ça. Non, non, et puis ça fera prendre l'air au lieu d'être assommé par cette musique. J'en ai marre. Non mais tu entends? Non mais tu entends, en plus elle m'insulte. T'avoueras vraiment qu'il y a des moments où elle charrie. Mais enfin, qu'est-ce qu'il y a? Il y a que Jacqueline ne veut plus t'entendre. J'ai loué cette chambre et je fais ce que je veux. Dedans, oui, mais le bruit sort dehors. tu es d'accord avec elle? Oh, pas du tout, moi ça me gêne pas la musique, je dirais même que je m'en fous. Seulement pour les autres, c'est pas pareil. Mais j'y peux rien. Quand on s'exerce pas, on s'engourdit. Oui, mais la patronne non plus n'aime pas que tu tapes sur ton instrument. Oh, mais si j'avais des élèves, elle n'entendrait plus rien. Bah, un peu quand même. Mais non, on peut pas jouer tout de suite. Il y a des explications à donner avant de passer à la pratique. Ah bon? Bah oui, il y a le solfège, la position des mains, des doigts, enfin tout quoi. Alors au début, les élèves, ils joueraient pas. Et moi non plus. Oui, d'abord, mais ensuite? Mais ensuite, il faudrait qu'ils s'y mettent, bien sûr. Mais les leçons m'auraient rapporté suffisamment pour aller en Audi. En Audi? Oui, thorium. Moi, je connais l'Audi Quattro, mais la thorium, c'est la boîte automatique. Mais non, auditorium, c'est du latin. Encore? Oh, et si on parle plus que ça, il va falloir que je me mette sérieux, moi, alors. Et ça veut dire? Ben, ça veut dire un studio. Enfin, juste avec un piano pour faire travailler l'élève. Eh ben, dans ce cas, qu'est-ce que t'attends pour prendre des élèves? Ben, les prendre où? Il faut des relations pour être connu. Et quand on est connu, on a des élèves. Mais personne ne peut savoir que t'es une spécialiste si tu le dis pas. Mais j'ai mis des affichettes au conservatoire. Ah, au conservatoire? Il n'y a que les musiciens qui les lisent. Oui, et alors? Bah alors ça sert à rien. Les musiciens, ils connaissent la musique, ils ont pas besoin de l'apprendre. Oh bah oui, ça, bien sûr, mais... Donc ton annonce, il faut la faire passer dans un bon petit journal. Tu crois? Je le pense. Tiens, tu vois, moi, comme ça, une fois dans une annonce, j'ai trouvé une super paire de baskets tout neuf que j'ai offert à mon beau-frère. Mais il n'en a pas voulu et je l'ai toujours sur les bras. Ton beau-frère? Bah non, les baskets. Bref, c'est pour dire que si on trouve des baskets, pourquoi on ne trouverait pas des élèves? D'autant que les élèves, comme ils n'y connaissent rien, ils jouent comme des pieds. Basket, pied, pied, basket, tu vois le rapport? Non, pas bien. Ben, qu'une importance. Je vais te la faire, moi, ton annonce. Bah, tu vas mettre quoi? Je sais pas. CDLP. Comment? CDLP, c'est de l'abrégé. Ah oui, mais c'est assez clair. Oh, c'est lumineux. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Cherche, donner, leçon, piano, CDLP. Ah oui. Oh oui, mais faudra peut-être en mettre un peu plus. Tu crois? Ah oui, par exemple, cher, donne, leuse, piano. Oui, bon, allez, bon, si tu veux. Hein. Cher, donne, leuse, piano. Voilà, c'est fait. Oh, il faudra aussi que j'ajoute PPS. Bah, bien sûr, PPS, pied parfait seulement. Pourquoi un pied parfait seulement? À cause des pédales. Mais non! Mais qu'est-ce que c'est que cette idée? En termes de piano, PPS, ça veut dire pour préparer soliste. Ah oui, PPS pour préparer soliste. En abrégé, bien entendu. Bien entendu, bien entendu. Oh, ça faut s'y faire à l'abrégé, hein. C'est plus dur que le latin. Alors, je marque l'adresse, et voilà. Ah, tu te rends compte de la tête qu'elles vont faire, les deux autres, quand elles vont me voir avec des élèves? Ah, ça, elles seront sûrement épatées. Mais dis donc, j'y pense. Toi qui te plains toujours que t'es toute seule. Enfin, tu n'as personne pour... Ah, pour m'éclater. Bah alors, pourquoi est-ce que tu mets pas une annonce pour trouver quelqu'un? Bah pour tomber encore sur un ringard, hein. Bon, c'est jamais, peut-être pas, tu risques rien d'essayer, hein. Oui, dans le fond, pourquoi pas, j'y avais pas pensé. Bon, bah moi je file, hein, faut que ça paraisse demain. Hé, pas un mot, hein. Non, non. Moi je veux que les deux râleuses aient la surprise. Mais oui, mais oui. Oh, je suis contente, tu sais, vraiment, contente. Moi aussi. Oh, je t'aime. Oui, moi aussi, moi aussi. En tout cas, l'espoir fait vivre. Mais enfin, Marie-Louise, qu'est-ce qui se passe encore? Bah rien, c'est comme d'habitude. C'est bien ce que je dis, ça n'est plus possible, plus possible. Je ne peux plus vivre avec ces claquages de porte, cette musique et ces odeurs. Mon Dieu, ces odeurs. C'est l'acrylique. Non, c'est irrespirable. Mais patronne. Tu as déjà dit de m'appeler mademoiselle. Oui, patronne. Hein, quoi? Oui, bon, bref, j'ai été trop bonne, beaucoup trop bonne. Il y a assez longtemps que je supporte cette atmosphère sans me plaindre. Mais maintenant, la coupe est pleine. Ces filles me rendront folle. Elles sont artistes. Et moi, qu'est-ce que je suis? Ah, ça, c'est sûr que vous en êtes une aussi. Mais enfin, elles sont sympas avec vous, elles n'amènent jamais personne dans leur chambre. Manquera plus que ça, tiens, qu'elles se roulent dans la luxure et que j'assiste chez moi à des turpitudes auxquelles, si l'occasion s'en présentait, je n'ai pas du tout renoncé à prendre part. Ça, c'est sûr, patronne, vous êtes encore assez fraîche. Raison de plus, faut pas croire que j'ai dit mon dernier mot. Non, ça, bien sûr. Non, simplement, j'espère que je n'ai pas trop perdu la main. Enfin, l'habitude de ces choses, quoi. Bah, de toute façon, ça peut pas s'oublier, c'est comme le vélo. Exact, c'est comme la marche à pied. Alors, nous allons aller toutes les deux nous installer dans ma campagne. Ah non. Mais si. Ah non. Moi, pour rencontrer quelqu'un, je préférerais rester ici. Tu m'as dit qu'ici, tu ne trouvais que des ringards. Oui, ça, c'est vrai. Alors que moi, je voudrais de la fraîcheur. Eh bien, à la campagne, je nous trouverai quelques bons partenaires bien frais, comme les fromages. Mais justement, là-bas, il y a que des bouseux. Ne dis pas de bêtises. Les hommes de la ville sont tout de suite fatigués. Et c'est pour ça qu'ils sont défraîchis. Ben oui, la ville, ça fripe. Oh, bah, à qui le dis-tu? Alors, ouais, ouais, alors, pour faciliter les contacts, il me faudra avoir un peu d'argent de poche. Enfin, pour les extras, quoi. Alors, je vais me soulouer tout entière. Vous, Autrement dit, vous allez vous faire payer? Voilà. Mais par qui, patronne? Oh, ben, par un homme ou par une femme, c'est sans importance. Mais ben, dites-donc tout de même! Mais oui. Et vous croyez que vous y arriverez dans votre état? Il y a si peu d'appartements disponibles. Ah! Vous parlez de l'appartement? Et de quoi d'autre? Ah oui! Non! J'avais cru! Non, non, rien, patronne. Mais comme vous avez dit, vous louez tout entière. Eh bien oui, au lieu de louer deux chambres, je vais louer l'appartement en entier. D'accord, d'accord, c'est plus net. Avec cette crise du logement, ça m'étonnerait de ne pas trouver preneur tout de suite. Mais j'aurais dû y penser plus tôt. Tiens, je vais mettre une petite annonce. Une petite annonce? Bah oui, mais regarde pas avec cet air idiot, tu ne sais pas ce que c'est qu'une annonce. Ah si, c'est de l'abrégé. Voilà. Allez, inutile d'attendre 5 minutes de plus, papier et crayon, c'est comme si c'était fait. Bon, alors, LB, 5P, PM. Qu'est-ce que je pourrais mettre d'autre? Où vous en êtes, patronne? À PM. Bah bien entendu, PM, c'est pour l'appartement. C'est ça. Loup, beau, 5 pièces, PM. Alors vous laissez pas les meubles? Bien sûr que si, puisque je loue meublé. Mais enfin, patronne, si vous mettez PM, ça veut dire pas meublé. Mais enfin, Marie-Louise, mais réfléchis. PM, plein midi. Ah oui, PM plein midi, faut s'y faire et abréger. Ah, tiens, je vais quand même ajouter PPS. Bah, bien sûr, PPS pour préparer soliste. PPS pour préparer soliste? Non, mais réfléchis un peu. Ah, ça y est, je sais, PPS, pied parfait seulement. Mais qu'est-ce que tu racontes là? C'est pas encore ça? Mais non, PPS, ça veut dire pour personne seule. Ah, oui. PPS pour personne seule. Ah, c'est évident. Évident. Oh, mais j'y pense, patronne, c'est pas possible. Quoi, pas possible? Pour personne seule. Mais bien sûr que si. Je ne veux pas qu'il y ait ici toute une bande de sagouins pour saccager mon logement. Mais alors, et les deux filles? Moi, en ce qui me concerne, je loue vide. Alors, pas meublé? Je loue meublé et vide d'habitants. Le nouveau locataire se débrouillera avec les locataires. À lui de les mettre dehors. Mais ici, elles travaillent. Eh ben, j'irai travailler ailleurs. Ah non, vous ferez pas ça, patronne, hein? Je vais me gêner, tiens. D'ailleurs, je leur rends service. Il n'y a qu'en poussant les gens à l'eau qu'on leur apprend à nager. Et puis, elles sont assez grandes pour se débrouiller. Moi, à leur âge, j'avais déjà un nom dans le music hall. De mon temps, on était d'une autre trempe, de la mienne. Et si j'élevais la jambe... Eh, patronne, c'est que vous n'avez pas pu faire autrement, hein? Je ne te parle pas de ma vie privée. Ah non? Non, je te parle de la scène. Bah oui, d'accord, mais comme vous l'avez levée tout le temps... Oui, et si je l'ai levée, cette jambe? Toujours la même, la droite, parce que... Votre profil gauche est moins bon. Mais comment le sais-tu? C'est vous qui me l'avez dit. Ah, c'est vrai. D'un côté, c'est une médaille. Ah, oh, c'est vrai, il y a qu'à le regarder, patronne. Mais de l'autre, c'est... Oui, bon, bref, ça va bien. Ne t'imagine pas que j'ai levé cette jambe pour rien. Ah oui, ça vous a bien rapporté. Oui, mais on ne lève pas la jambe droite pendant 30 ans sans que ça fatigue. Ça, c'est sûr. Vous auriez dû alterner avec la gauche comme en politique, ça vous aurait reposé. Et mon profil? Oh, je vais vous oublier celui-là. J'ai été une étoile, tu sais. Oui, vous me l'avez déjà dit aussi. Et j'ai brûlé les plans. On s'est osé, patronne. Et puis j'ai pâli, comme toutes les étoiles. Bah oui, une étoile filante. Mais aujourd'hui, tout va devenir possible. Je me sens renaître. Vous allez recommencer à faire l'artiste? Non, cette fois je vais vivre pour le plaisir. Mon sac, mon chapeau. Tu trouves pas que c'est une bonne idée? Votre sac ou votre chapeau? Non, l'annonce. Ah oui? Bon, comme ça, une fois dans une annonce, j'ai trouvé une super paire de baskets tout neuf. Oui, bon, bref. Je suis réveillée. Je suis complètement réveillée. Ah bon, vous dormiez? Je réalise que je vais sortir de cet avachissement où je m'étais laissé glisser en vivant comme une logeuse. Moi, logeuse, tu m'as vu? Et pourquoi pas concierge tant qu'on y est? Non, mais ça y est, je redeviens une étoile. Dans le final de Sodome et Gomorre, je tenais une corne d'abondance. C'est quand vous aviez 5 plumes dans le derrière. Comment le sais-tu? C'est vous qui me l'avez dit 20 fois. Ah, c'est vrai. Je répète toujours la même chose quand je parle de moi. Mais patron, artiste oblige. Ah, ça, j'étais sublime. Oh, j'imagine, ça devait valoir le coup d'œil. Une, deux, trois. Une, deux, trois. Mais maintenant, j'ai des ailes. Où ça? Là, dans le dos. Je vois rien. Elles arrivent, les voilà. Je les sens pousser, je les ai. Ça y est, je décolle, je m'envole et je vole jusqu'au journal, de ma liberté. Après tout, si ça marche pour les autres, pourquoi ça ne marcherait pas pour moi? D'autant que si je le fais d'ici, ça ira sur la note. Allô? Allô, bonjour, je voudrais servir ces annonces. Merci. Allô? Allô, oui? Le texte? Oui. Mais d'abord, est-ce qu'il est sérieux, votre journal? Parce que les ringards, moi, je connais, j'ai beaucoup donné. Vous triez? Alors, c'est bien. Alors voilà. Cherche à rencontrer garçon bien sous tout rapport. Quoi? Cherche en garce, BST rap. Ah oui, oui, oui, c'est ça, c'est raccourci, oui, oui. J'entends chanter la brégée. Ensuite, eh ben ensuite, ce sera pour pratiquer la sexualité. Comment ça, PPS? Oui, oui, PPS, pour pratiquer sexualité. Oui, je m'en souviens 5 sur 5. Et dites à propos, vous savez, comme ça, une fois dans une annonce, j'ai trouvé une super paire de baskets, ben oui. Alors, j'espère que cette fois-ci, je vais enfin trouver chaussures à mon pied. Chaussures, basket pied, pied basket. Vous voyez le rapport? Vous voyez pas? Bon, ben c'est pas grave. Alors, l'adresse? Eh ben l'adresse s'adressait ici. Ouh, ben je vous le dis, vous me demandez l'adresse. Je dis s'adressait ici demain après-midi. Comment ça? Où ici? S'adressait ici, l'adresse ici, qu'est-ce que je vous le dis? Vous envoyez ici? Ouais. Vous adressez ici? Ah si, ah si, l'adresse ici. Il faut pas désespérer. Oh si, c'est que personne n'est intéressé. Les gens se jettent pas comme ça sur le journal, voyons. Mais j'en demande pas beaucoup. Pas 10, pas 5, mais un seul élève. Ça me ferait tellement plaisir. Eh ben t'as raison, un seul ça suffit. Bah ça suffit peut-être pour commencer. Mais voilà, c'est ce que je dis, c'est ce qu'il faut. C'est le premier client. Après le bouche à oreille, fais boule de neige et c'est parti. Oh si seulement tu avais raison. Mais oui, ça va marcher, je le sais, je le sens, le feeling quoi. Et je suis sûre que tu seras contente. Oh tu es très gentille. Mais non, mais non. Moi je suis contente quand je vois les gens contents, moi. Même s'ils ont des caractères différents. Tiens, regarde la patronne par exemple, disons le mot, elle est un peu spéciale. Oui, ça c'est vrai. Et ben Jacqueline, on peut dire qu'elle est un peu spéciale aussi. Ouais, ouais mais c'est autre chose que la patronne. Mais voilà, c'est ce que je dis, c'est différent. Et même que toi, t'es un peu, comment dirais-je, un peu... Spéciale. Non, originale. Et ben tu vois, ça me plaît moi. J'aime les artistes. On n'a pas sonné. Ah oh, tu crois que c'est... Ça y est, que c'est lui. C'est comme s'il était là. Mon premier élève. Je le sens, je le sens. Bon, ben je vais voir tout de suite la tête qu'il a. Ah non, non, non, laisse-moi lui ouvrir. Moi aussi, je sens que c'est lui. Vas-y, c'est encore mieux. Je suis folle de joie, tu sais, Mélan, ce qui s'appelle folle de joie. Oh, je vois bien, moi aussi, tu vois, moi aussi. Monsieur. Je viens pour... Pour l'annonce. Parfaitement pour l'annonce. Ah, mais c'est ça, mais entrez, entrez donc. Merci bien. Bonjour madame. Mademoiselle. Oh pardon. Il n'y a pas de mal. Voilà, alors j'ai lu votre annonce et oui, puis... Oui, et c'est pour ça que vous êtes là. Voilà. Et normalement j'aurais dû arriver plus tôt. Oh mais c'est très bien comme ça. Bah tant mieux. Faut vous dire, j'ai une panne de moto en banlieue. Et comme le taxi c'est trop cher, alors je suis venu tranquillement à pied, piano piano quoi. Piano piano. C'est très bon ça. Ah mais vous avez déjà commencé en route ensemble. Je suis Janine Clavier. Enchantée, Spartacus. Pardon? Je suis Spartacus. Ah, bon, très bien. Vous trouvez pas? Ah si, si, si, ah, bah, chacun a son propre nom. Et son propre style? Oui, bien sûr. Ah mais, asseyez-vous. Merci. Je crois qu'il est nécessaire que je vous donne d'abord quelques explications. Mmh. Enfin, je pratique de cette façon d'habitude et j'ai toujours obtenu d'excellents résultats. Mmh. Je compte commencer par des séances d'une heure, hein, pas plus. Ah oui, de toute façon, c'est préférable, surtout que je ne connais pas la position que vous voudrez. Comment? Je dis ça par rapport à l'ankylose. À l'ankylose? Bah oui, vous savez ce que c'est. Bah naturellement, mais... Bah c'est pour ça que je dis que vous avez raison de ne pas dépasser d'une heure par séance. Ah, c'est aussi votre avis? Ah évidemment, à cause des crampes. On a beau être solide, la crampe, c'est la crampe. Oui, ah bah écoutez, nous verrons ça le moment venu. Ouais, mais c'est que quand ça vient, c'est déjà trop tard. Je commence toujours par de la théorie. Ah oui? J'espère que... Si vous y tenez... J'espère que vous n'y voyez pas d'inconvénient. Oh, pensez donc, je suis là à votre disposition. Ah non, non, non, non, c'est plutôt moi qui suis à la vôtre. Vous cherchez quelque chose? Votre vestiaire. Mon vestiaire? Oui, pour poser mes affaires. Oh, pourrais poser le n'importe où. Ça va faire des ordres, hein. Non, non, non, allez-y, allez-y. À propos, comme rien n'était spécifié dans l'annonce, je m'excuse de parler de ça, mais c'est tout de même indispensable. Oh, mais je vous en prie. Voilà, j'aimerais avoir quelques précisions au sujet des conditions. Oh, monsieur. Oh, c'est vraiment très gentil de poser cette question aussi spontanément. Mais non, c'est tout naturel. Vaut mieux en parler avant qu'après. Bien sûr, c'est préférable. Faut bien vivre. Et oui. Et toute peine mérite salaire. Oh, je vous remercie de votre compréhension. Mais non, c'est tout naturel. Alors, vous faites l'heure à combien? Ah, eh bien, n'est-ce pas, je pensais... à vrai dire, j'ai pas tellement réfléchi. Enfin, d'habitude... D'habitude? Ah, d'habitude, j'ai un tarif. Ah non, il n'est pas question de tarif. Ah bon? Le tarif syndical est dérisoire. Ah oui, comme dit le proverbe belge, travailler et avoir faim, autant rester assis et avoir faim. Ah ben alors, faites-moi le prix que vous souhaitez, monsieur. Ah, vu comme ça, c'est pas pareil. Alors, on pourrait peut-être partir d'une base raisonnable. Est-ce que ça vous irait dans les 200? 200 francs? Mmh. Ben, ça me paraît très bien. Ah, en ce qui me concerne, ça me va, hein. Oh, alors, c'est entendu? Écoutez, c'est formidable. Allons-y. Je retourne m'asseoir. Oui. Alors, donc, je commence toujours par de la théorie. Oui, je sais, vous me l'avez déjà dit. Mais vous envisagez combien de séances? Oh, ben, ça dépendra surtout de la vitesse à laquelle nous avancerons, n'est-ce pas? 10 maximum. Oh, ben, il en faudra sûrement plus de 10. Vraiment? Ah, écoutez, monsieur, je voudrais pas vous contrarier, mais ça m'étonnerait que nous arrivions à un résultat en 10 séances. Oh là là, il faut pas exagérer. Si vous y arrivez pas en 10 séances, ça veut dire que vous traînassez. D'ailleurs, vous aimez bien parler théorie, hein. Remarquez, je suis très sensible à la théorie. Ce que j'en dis, c'est par souci d'économie. L'argent, c'est l'argent, c'est pour vous. Oh, mais je pense bien. Bon, alors donc, ma méthode consiste tout d'un... Oh, c'est au fond du couloir, à gauche. Pardon? Bah oui, les... Ah non, non, merci. Oh, pardon. Excusez-moi, mais j'ai cru. Il n'y a pas de... C'est juste pour savoir si l'heure à 200 court depuis que je suis arrivé. Ah, ben naturellement, ça fait partie de ma manière de travailler. Ah, ben c'est parfait, ça fait aussi partie de la mienne. Alors, comme ça fait un quart d'heure que vous m'expliquez votre méthode, j'en ai déjà pour un quart d'heure. Ouais, théoriquement, c'est tout à fait ça, oui. Comment ça, théoriquement? Mais il faut y aller point par point, monsieur Spartacus. Non, je comprends votre désir et votre impatience d'avancer dans le monde mystérieux de l'art. Oh, l'art, c'est un gros mot. Oh, mais ne soyez pas modeste, je suis sûre que vous devez être très douée. Ah, ça, vous n'êtes pas la première à le voir. On me l'a souvent dit, sans prétention d'ailleurs. Bah alors, vous voyez que je ne me trompe pas. Ah, bon, là-dessus, non. Bon, qu'est-ce que je disais? Avec toutes vos questions, là, j'ai perdu le fil. Ah oui. Eh bien, je vais profiter de votre panne pour savoir si nous sommes obligés de nous arrêter pour une autre raison quelconque, hein, si vous considérez que tout est recommencé est dû. Ah oui, enfin, ça me paraît évident, pas à vous? Ah oui, mais si, tout à fait évident. Vous savez, j'aime les affaires bien nettes. On a dit 200, quand les prix sont fixés. On n'en bouge plus et on se lance dans le travail gaiement et la joie au cœur. Oui. Et puis c'est tout. Alors, donc, je commence toujours par ma théorie. Oui, mais vous n'avez pas l'air de me suivre. Là. Mais si, pensez. Roulez, je regarde un peu votre endroit, là. C'est pas mal, hein, c'est pas mal. Dommage que ce soit exposé au midi. Ça fait la peau jaune, le midi, ça. Pardon? Non, je disais ça comme ça, mais j'ai une grosse habitude et une fenêtre exposée au midi, je vois ça tout de suite, à cause de la lumière. Mais je vous apprends rien, bien sûr. Non, bien sûr. Bon, je reprends du début. Hein. Alors... S'il vous plaît. Comment les trouvez-vous? Quoi? Mes mains. Ah, oui. Oh, elles sont très petites, hein. Très petites? Alors là, vous allez fort. Ah, ben elles sont quand même très petites, hein, je dois vous le dire. Après tout, nous ne sommes pas là pour nous faire que des compliments. Oui, d'accord, on peut tout critiquer, tout, mais pas mes mains. Et... Enfin, un peu d'exercice leur fera du bien. Ça leur donnera du muscle. Du muscle? Mais c'est tout en muscle, ça, madame. Absolument tout en muscle. Monsieur, je suis désolée de cette remarque que je faisais dans votre... C'est pas grave, c'est pas grave. Des mains pareilles, vous en trouverez pas deux paires comme ça sur la place de Paris. Ah mais, pardon, permettez, vous voulez plier les doigts? Tous les cinq? Oui. Je peux pas. Quoi, vous pouvez pas plier ces deux doigts-là? Non, j'ai eu les phalanges cassées, les nerfs sont parmi. Ça m'est arrivé quand j'étais mouche. Mouche? Oui, poids de mouche. Ah, vous avez été boxeur? Évidemment, pendant une saison. C'est pourquoi, quand je vous dis que c'est tout en muscles, toutes les mouches que j'ai écrasées pourraient vous le dire. Oh, je suis désolée. C'est pas grave. Ah, si, si, si. Ah, oh, ben, si vous pouvez pas plier ces deux doigts-là. Ah, vous savez, il y a beaucoup de choses qui seront pas pour vous. Et ma main droite, qu'est-ce que vous en faites de ma main droite? La main droite, elle peut pas être partout. Mais, pardon, permettez, mais... Ah, vous avez le pouce déformé à la main droite? Ah oui. Figurez-vous qu'un jour, j'ai raté mon coup sur un os de gigot. J'ai rien senti. C'est tout juste si j'ai pas mis le morceau qui pendait dans le paquet de la cliente. Vous avez été bouché aussi? Après la danse. Parce qu'entre la boxe et la boucherie, j'ai été professeur de tango. Tin, tin, tin, tin. Vous savez, je suis un artiste. Je touche à tout. Oui. Oh ben c'est peut-être pour ça que vous avez les mains dans cet état. Vous ne t'inquiétez pas pour elle, ben. Tout ira bien. Bon ben, nous serons obligés de rester dans Stravinsky. Hein. Ou Béla Bartok. À la rigueur, nous cantonner dans le dodécaphonique. Ah, ça, c'est vous qui voyez. Oui. Enfin, nous essaierons de nous débrouiller avec ça. Bon, alors, ma méthode... Et quand vous verrez mes abdominaux, alors... Sans me vanter, toutes mes femmes en sont folles. Et même quelques hommes, c'est vous dire. Ça m'étonnerait qu'ils vous épatent pas. Non, monsieur, vous vous moquez de moi, travaillons. Mais non, madame, je me moque pas de vous. Je vais vous les montrer, mes abdominaux. Puisque vous avez l'air de croire qu'ils sont moins bien que ce que je dis. Ah non, non, mais je vous crois ça. Ah, monsieur. Mais je vous crois. Bon, on verra ça plus tard. Je sais bien qu'avec vous, c'est d'abord la théorie. À propos, vous avez eu raison de spécifier PPS dans l'annonce. Ah, n'est-ce pas? Ah oui, parce que maintenant, il faut se méfier. Les gens savent plus que c'est que la qualité, hein. Ah oui, on en est là. Oui. Bon, je continue. Allez-y, ça ne me gêne pas. Bon alors, ma méthode consiste tout d'abord à faire bien connaître les anciens. Mmh. Alors, on peut diviser les anciens en trois grandes catégories. Bon, je ne remonterai pas jusqu'à l'art des chantres et des trouvères et je laisserai de côté, si vous le voulez bien, la chanson de geste enjolivée de mélodie. Vous avez mal au pied? Mais pas du tout, je me préparais pendant votre laïus là. Je vais vous montrer qu'avec Spartacus, il est inutile de spécifier PPS. Je suis connu pour ma perfection. Tenez, j'étais un œil. Regardez-moi ça, si c'est beau et nickel. C'est le pied égyptien classique. Et là, vous pouvez constater que tous les doigts sont intacts. Franchement, est-ce que vous avez déjà vu des pieds aussi beaux, aussi bichonnés, soignés et tout et tout? Des vraies pièces de musée. Oui. Et ils n'ont pas l'air de vous plaire, hein? Ah si, si, si, si. Enfin, remettez vos chaussures. Sans les chaussettes? Bah non, avec, remettez tout. Tout? Bah oui, enfin, chaussez-vous. Ah, comme vous voudrez, je suis pas contre à rien. Du moment que c'est 200 l'heure et que tout est recommencé et dû, je rhabille mes merveilles et j'attends sagement que vous vouliez bien tout voir. Tout voir? Oh, le bonhomme en entier, quoi. Enfin, vous pouvez pas nier, j'ai des pieds fabuleux. Et avec des pieds pareils, je peux tout faire, madame. Absolument tout. Oui, tout sauf peut-être jouer du piano. Hein. Ah, ça, je ne serai pas le premier. Non, enfin, pour le moment, monsieur, nous sommes là pour travailler. Je n'attends que ça. Non, mais vous ne me laissez pas placer un mot. Mais je me préparais à démarrer, j'enlève mes chaussures, mes chaussettes. Le pied est impeccable et vous m'arrêtez. Mais enfin, monsieur, je ne veux pas voir vos pieds, c'est mon droit. D'accord, d'accord, mais il faudra bien commencer par un côté ou par un autre. Pour arriver à être tout nu, il n'y a pas de miracle. Tout nu, non mais je pense que vous n'avez pas l'intention de donner des concerts en soliste tout nu. Ah ça, donner des concerts, j'en suis pas là. Quoique je tâte assez bien du corps de chasse. Non mais là n'est pas la question, enfin, voulez-vous jouer du piano? Je suis là, mais j'y suis. Vous voulez prendre Spartacus jouant du piano? Ok, d'accord. Bon, alors écoutez, monsieur, ma patience a des limites malgré tout. Hein. Alors voulez-vous apprendre le piano, oui ou non? Le piano, pourquoi faire? Non, mais je plaisante pas, là, monsieur. Mais moi non plus. Quoi, vraiment? Vous voulez pas apprendre? Je vous dis que non. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Mais il veut pas apprendre le piano. Ah non? Bah non. Enfin, mais pourquoi est-ce que vous l'avez pas dit? Vous m'avez rien demandé et d'un coup vous me parlez de piano. Mais alors monsieur, vous êtes pas là pour ça, qu'est-ce que vous faites ici? Oh bah je parote, hein. Oh non, mais c'est inouï. Mais fais-le sortir immédiatement. Eh, dites donc, j'ai assez écouté vos âneries, alors si vous avez changé d'avis, payez-moi et puis je m'en irai. Vous payez? Non mais vous payez quoi? 35 minutes de séance, toute heure commencée est due. Oui, c'est convenu. Alors? Alors vous me devez 200 francs. Qu'est-ce que vous dites, j'entends mal? Ah là. Ne vous énervez pas. Ah c'est non, mais quel énergumène! Flanque-le dehors! Ah bah c'est vraiment pas la peine de me déranger pour des clients pareils! Non mais ça va pas, non? Et mon argent, vous allez me payer, oh! Mais oui, mais oui, attendez, je peux arranger ça, moi! Mon temps, c'est de l'argent. J'ai donné mon temps comme donne de l'argent. Sinon, je casse tout. Ah non! Mais enfin, voyons, vous êtes bienvenue pour l'annonce! Naturellement que je suis venu pour l'annonce! Ah! Vous venez pour l'annonce! Pourquoi est-ce que je serai là? Qui c'est? Justement, c'est la personne de l'annonce. Ah bon? Alors l'autre, c'est qui? C'est une erreur. Enfin, ça n'est pas la bonne personne, quoi. Tandis qu'elle... Excusez-moi, monsieur, mais je ne savais pas que vous viendriez si tôt, dès l'apparition. Vous voyez bien, puisque je suis là... J'allais justement vous prévenir que ce monsieur venait d'arriver. Oui, je m'étais assoupie et ma petite femme de chambre hésite toujours à me réveiller. Mmh. Mon sommeil est sacré après les repas. Ah oui, c'est bon pour le temps. Je suis tout à fait de votre avis. Bon, tu peux nous laisser maintenant, Marie-Louise. Bien, patronne. Mademoiselle. Oui, patronne. Je suis certaine que nous allons nous entendre. C'est bien que vous vous excusiez de m'avoir fait attendre, c'est correct. Eh bien alors, tout ira très bien. Ah ça, il faut que je sache d'abord. Mais quoi donc? Vous êtes bien chez vous, ici? Bon, naturellement, je suis la maîtresse de maison. C'est sérieux, alors? Oh, mais je pense bien, je suis propriétaire des meubles, des murs, de tout. Comment les trouvez-vous? Les murs? Non, les meubles. Ah bah, c'est du mobilier. Je suis enchantée qu'ils vous conviennent. Louis XV garantit tout neuf. Mais, j'ai oublié de me présenter pour que vous soyez tout à fait à l'aise. Oh, mais j'ai confiance, j'ai toujours confiance. Spartacus pour vous servir. Enchantée. Je suis Georgette Brisedeau. Ça ne vous dit rien? Excuse-moi. C'est moi qui étais la grande Zézette. Non, c'est pas vrai. Mais si, je ne sais pas si vous vous souvenez de moi. Oui, dans Sodome. Et Gomorre. Ah, je savais pas que vous étiez deux. Au final, avec la corne d'abondance. Ah oui, quand vous aviez vos trois plumes dans... Non, cinq. C'était sublime, n'est-ce pas? Ah oui, sublime. 20 fois du balcon. Vous m'avez vu? Oui, mon grand-père. Ah oui, il vous adorait. Il vous connaissait par cœur. Mais moi, je m'excuse, je vous ai pas remis tout de suite. Avec un appartement pareil, j'ai cru que vous étiez une rambière. Mais alors là, si vous êtes la grande Zézette, pardon, chapeau... Vous êtes quelqu'un, hein? Vous êtes gentil. Oh, j'étais belle à ce moment-là. Déjà? Déjà? Enfin, vous êtes encore... vous êtes encore... Encore... Encore, bravo! Alors, vous prendrez bien une petite chartreuse? heureuse. Ah, si vous insistez. Mais oui, mais oui. Bon, bref, j'ai été arrachée à ma gloire. Pas possible. Oui, kidnappée par 5 hommes. Et on a pu les arrêter? Oh, ils m'ont pas soulevé tous à la fois. Ah, je me disais aussi. Non, ils m'ont épousée les uns après les autres. Ah oui? Écoutez, je suis ravie de faire la connaissance d'une grande artiste. Moi-même, j'en suis un. Ah, vous en êtes un. Non, moi, j'en... vous cherchez un Spartacus? Un Spartan? Ben, plus exactement. Ne vous gênez pas, dites-le. Eh bien, c'est-à-dire que... Eh bien, top! Ne cherchez plus, je suis Spartacus. Et en tant que Spartacus, je me permets de lever ce godet à la grande Zézé. Oh, merci, merci, merci. Oh, pardon. Vous voulez visiter tout de suite? Visiter? Oui. Ah, si vous y tenez. Ce sera comme vous voudrez. Vous vous demandez sans doute pourquoi je me suis décidée à passer une annonce. Oh, je suppose que c'est pour trouver quelqu'un qui vous convienne. Voilà. Mais vous avez trouvé. En effet. Et si votre grand-père m'a vu 25 fois dans ce homme, vous me convenez tout à fait. Oh, vous me flattez. Mais non, mais non, du tout, du tout. J'ai donc passé cette annonce, car j'ai décidé de me retremper dans le bain artistique. Ah oui, les bains, c'est bon pour les muscles. Oui, oui, oui. Mais mes maris m'ont donc laissé de quoi profiter de l'existence et mon troisième, une immense propriété de style moderne dans laquelle je vais donner des fêtes. Ah oui? Des fêtes champêtres, naturellement, dans la nature. Des fêtes à la manière de Fragonard. Frago? Oui. Nard, vous voyez, le peintre? Oh, je pense bien. Ou de Boucher, si vous préférez. Ah, ça, Boucher, je connais bien. Oui. Alors, dans les jardins touffus, des invités qui dansent à la lumière des bougies et qui se perdent dans les taillis. Waouh, ça doit être extraordinaire. Mais enfin, s'ils ont des bougies, ils risquent pas de se perdre. Enfin, je veux dire que les fêtes champêtres ont un côté galant. Et surtout un côté galantine quand il y a un buffet. Oui, bon, bref. J'ai eu la bêtise de prendre ici 2 locataires, mais elles partiront quand je voudrais. Ah oui, celle que j'ai vue tout à l'heure est très très bizarre. Hein. Complètement givrée. C'est une maniaque, non? Oh, vous savez, les filles d'aujourd'hui n'ont pas la classe de mon époque à moi. La grande époque des années 43-44, 45-46-47, 48-49... 50-55-60, adjugé. Je vois que nous sommes d'accord. Alors, si vous voulez, nous allons commencer tout de suite par la partie principale. Ah oui, parce que j'ai quand même déjà perdu une heure à attendre. Je suis confuse. Je sais bien que vous n'y êtes pour rien, mais... Mais j'aimerais tout de même qu'on mette au point la question d'argent. Mais naturellement. Alors voilà, j'avais envisagé 6 005. 6 005? Oui, ça les vaut. Mais en souvenir de Sodome, je vous ferai 6 000. 6 000? Oh, oui, c'est un parfait. Avec un minimum d'un mois. Ah, ce serait de longue haleine alors. Oh, vous savez, un mois, ça passe vite. Oui, mais c'est que j'avais pas envisagé le forfait au mois. Ah oui, ça, je sais bien. Il y a des gens qui font ça à la semaine ou à la journée, comme dans les hôtels. Et même à l'heure. Mais comme dans certains hôtels, alors. Non, mais... Moi, je préfère le système au mois. Naturellement, si vous avez un lit dont vous avez l'habitude, je ne vous empêche pas de l'amener. Parce que vous, vous me voulez coucher. Oh, ben, le faudra bien, n'est-ce pas? Oh, ben, je fais à la demande. Alors, c'est parfait. Oui, seulement à tout ça, il va falloir rajouter les frais de transport. Comment ça? Eh bien, je mange chez un Chinois, place Maubert. Mais rien ne vous empêchera de manger oriental ici. Ah oui, mais aller et venir, ça me fait une trotte. Mais vous n'aurez plus à vous déplacer puisque vous serez couché. Où ça? Bien ici. Ah, en somme, c'est loger et nourrir. Voilà. Et tout ça avec 6 000? Exactement. Ah, alors là, grande Zézette, pardon, excusez-moi, madame. Oh, je vous en prie, dites Zézette, très bien. Dans ces conditions, je suis votre homme. Oh, je suis très heureuse que nous soyons d'accord. Et comme vous êtes bien carré, je tiens à l'être moi aussi, je dois vous signaler honnêtement qu'il m'arrive d'avoir des crampes. Oh? Ah oui. Eh bien, vous vous allongez. Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié que vous me vouliez coucher. Ah, pendant que j'y pense, vous avez bien lu l'annonce? Oui. Je veux dire, très attentivement. Oui, pourquoi? Il y avait PPS. Ah, je sais bien, d'ailleurs, vous allez vous rendre compte par vous-même que ce qui est dit, avec Spartacus, jamais de surprise. Eh bien, je suis enchantée que nous nous entendions si bien et si rapidement sur tous les points. Formidable. Ah, je voulais vous signaler, cet immeuble est très tranquille. Exposé en plein midi, soleil toute la journée, quand il y en a dehors, bien entendu. Parce que quand il pleut, évidemment. Alors la grande baie vitrée, n'est-ce pas? On voit très bien l'Arc de Triomphe en montant sur une chaise. N'ouvrez pas la fenêtre, soyez gentils. Vous avez froid? Non, c'est une question de pudeur. Ce sera comme vous voudrez. Oh. Regardez plutôt ces deux objets. Sont magnifiques, c'est du premier choix. Hein, vous qui avez l'habitude. Je ne suis pas spécialisée dans les pieds. Non, mais enfin, reconnaissez qu'ils sont magnifiques. Ça, ils sont magnifiques, magnifiques. Alors là, ce sont les chambres des locataires dont je vous ai parlé. Et vous allez voir ce que vous allez voir avec mes abdominaux. Ah oui? Des splendeurs. Et le mot n'est pas trop fort. Ah oui. Alors là, tout au bout du couloir, n'est-ce pas, salle à manger, cuisine et chambre des domestiques. Là, c'est loin à cause des odeurs. Des odeurs de cuisine. Bien. Ça coupe le souffle. Eh bien, respirez à fond et admirez, c'est du Spartacus de grande classe. Ne dites rien, ne bougez pas. Regardez d'abord. Vous pourrez vérifier ensuite au toucher pour être sûr que ce n'est pas une hallucination. Observez le jeu de l'épigaste. Pas d'estomac du tout. Enfin, pas d'estomac, si on veut. Ouais. Et on arrive en douceur au jeu subtil des dorsaux. Vous le voyez, ce grand dorsal? Ça, avec une lumière frisante et un peu dorée, c'est du nougat! Du nougat. Un vrai bijou. Vous voyez ce grand dorsal? Je vois, je vois. Contemplez. Je contemple. Et s'étire doucement lorsque je fais jouer le deltoïde. Ah oui, le delto. Non, non, non, non. C'est pas en bas le deltoïde, c'est là, à l'époque. Vous avez fait médecine? Non, je vous ai dit que je mangeais place mauvaise. Et si je le remonte un peu, vous voyez le va-et-vient du grand dentelé? Non, ici, le grand dentelé, là. Vous le sentez, le dentelé qui travaille? Il chante hein, comme un sicilien. Ah, ça, il chante, il chante. Ah, j'étais sûr que vous seriez content. Et vous n'avez encore rien vu? Ah, non! Donc, vous allez découvrir un droit intérieur et un vaste interne qui vont vous faire sortir les yeux par les oreilles. Attention, tenez-vous bien. Ça démarre. C'est suffocant, hein? Ça suffoque toujours à première vue. Claquez, venez claquer. Moi que je vienne de... Ah oui, il faut claquer. Vous croyez vraiment que je peux? Puisque je vous le dis. Je crois que j'oserai jamais. Mais vous gênez pas, c'est moi qui régale. Écoutez-le comme il sonne bien mon droit antérieur. C'est un vrai plaisir. Allez, venez frapper. Oh non, mais vous vous rendez compte de ce que vous me demandez, là? Allons, Zézette, pas de manière. Hein? C'est nerveux. C'est sûr. Et ce vaste interne fondu avec la tache du genou. Tâtez. Je vois. Mais non, il faut tâter pour que vous vous rendiez compte. En effet. Mais palpez, palpez. Mais je palpe, je palpe. Alors, c'est pas du super homo erectus? Du super eroticus? Non, mais qu'est-ce que vous me dire, là? Y a rien acheté, tout est comestible. Ah, monsieur Spartan! Voyez bien qu'avec moi, vous êtes tombé à la bonne adresse. Et si vous avez besoin d'une cambrure, des lombaires, vous n'avez qu'à vous servir. Tenez, Je me cambre. Ah! Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que vous avez? À la courbe, à la courbe. Mais redressez-vous! Ah, je ne peux pas. Comment ça, vous ne pouvez pas? C'est la chartreuse, c'est mauvais pour les articulations. Oh, allez, essayez de marcher. Ah, c'est impossible, je suis bloqué. Mais débloquez-vous! Mais tout est coincé! Mais qu'est-ce que je peux faire? Me frictionner le derrière. Là, derrière! Comme ça? Oh non, à plat pour décoincer les jointures. Oh. Ah, putain, je dis pas ça pour vous. Oh. Allez-y, à fond. Oh. On a sonné, c'est affreux. Vous en occupez pas, massez. Je ne peux pas. Pourquoi? On a sonné, c'est affreux. Mais vous en occupez pas, massez. Je ne peux pas. Pourquoi? On a sonné, je vous dis. Et alors, je ne veux pas qu'on vous voie dans cette tenue avec moi en train de vous masser, ah. Voyons. Ah, si vous aviez de l'huile confraîche. Allez, dans ma chambre, ah. Venez. Avec de l'huile, ce sera mieux. Ah, oui, vous vous allongerez et je vous masserai à plat. Hein. Ah, si on m'avait dit qu'un jour je serais dans les bras de la grande Zézette. Et que je me mettrais tout nu pour elle. Franchement, je l'aurais jamais cru. Enfin, c'est la vie. Mais oui. Hey, laissez la chaise. Non, je préfère marcher assis. Ah. Mais je vais vous mettre dans mon lit. Allez, oui. Marie-Louise! Vous m'appelez? Bah oui, ça arrête pas de sonner! Ah oui, j'y vais! Non, toi, va le débloquer! Débloquer qui? C'est ton poté qui s'est coincé! Coincé dans quoi? Dans lui-même! Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Et pour le dégripper, sers-toi de l'huile! L'huile à friture? Non! L'huile coffrée! Pour lubrifier! Ah, si j'y comprends quelque chose! Et puis débarrasse-moi de tout ça pendant que je vais ouvrir! Ah, qu'est-ce que c'est que toute cette fripe? Ah. Oh non, c'est pas vrai! C'est pas une maison! C'est un vestiaire! Ah. Bonjour madame. Bonjour monsieur. C'est bien ici pour... Bonjour, merci oh, bien. J'ai sonné longtemps parce que j'ai cru qu'il n'y avait personne. Eh bien, vous voyez. Oui, mais enfin, comme l'heure du rendez-vous n'était pas précisée, n'est-ce pas? Oh, vous savez, avec le journal, c'est toujours abrégé et on en met le moins possible. Oui, bien sûr, je comprends très bien. D'ailleurs, moi-même, je ne fais confiance qu'au journal. Comment ça? Oui, je veux dire que pour pratiquer la sexualité, par exemple, on ne sait jamais sur qui on va tomber. Avec le Minitel Rose, vous savez. Ah oui, c'est sûr. On reste bleu de ce qu'il offre. En fait, d'après ce qu'on va lire. Voilà. Enfin, c'est pour ça que moi, je ne fais confiance qu'au journal. Parce que. Une annonce, même en abrégé, c'est forcément sérieux, puisqu'on va voir la personne de visu, vous voyez. Je vois très bien, vous avez absolument raison. Et moi, j'aime ce qui est sérieux, je suis comptable. Mais moi aussi. Ah, vous êtes comptable? Non, j'aime ce qui est sérieux, comme vous. Ah oui, non, je vous disais ça pour vous expliquer que mes occupations m'ont empêché de venir comme c'était marqué en fin de journée. Mais maintenant, vous arrivez très bien. Eh bien, tant mieux, alors. Oui, parce qu'un autre candidat vient de se présenter juste avant vous. Ah bon? Oh, ben, il ne fait pas du tout l'affaire. Oh non. D'ailleurs, il est encore dans ma chambre. Ah, dans votre... Allongé sur le tapis. Sur le tapis. Oh, bah oui, à force de se tortiller, il est tombé de mon lit. De votre lit. Oui. Oui, bah écoutez, c'est très très bien. Alors, la place est libre. Eh bien... Et je vais vous expliquer pourquoi elle est libre. Oui, ben non, c'est pas la peine. Ah, monsieur, monsieur, quand même, absolument. Enfin, monsieur, honnêtement, que voulez-vous que je fasse d'un homme qui a des crampes? Ça, je ne sais pas. Eh bien, moi non plus. Alors vous, un petit verre de chartreuse ne vous effraiera pas? Oh, non, certainement pas, je ne bois jamais. Oh, mais elle est délicieuse et je vous assure qu'elle ne donne pas de crampes. Ah oui, c'est bien possible, mais... Oh, non, non, mais ce sont des prétextes d'un poté. Mais vous, vous n'avez pas de crampes. Non. Ça se voit. Vous avez l'air tout à fait sain. Oui, c'est vrai, mais... Alors? À votre santé. Mais ôtez votre manteau, posez vos affaires. Oh non, je vais d'ailleurs vous demander la permission de remettre mon chapeau, parce que je suis très enrhumé. Ah bon? Eh ben alors asseyez-vous 5 minutes. Merci. Tenez, goûtez ça. Merci bien. Oh, qu'elles sont jolies. Quoi donc? Ces fleurs. C'est... Ah, mes fleurs. Oui, ravissantes. Eh bien, écoutez, je suis bien content qu'elles vous plaisent, mais à vrai dire... Oh, c'est une charmante attention. Je sens que vous allez faire ma conquête. Oui, non, c'est-à-dire que j'avais l'intention de les offrir à la personne qui a mis l'annonce. Eh bien, oui, c'est moi. C'est vous. C'est vous? Naturellement. Bon, enfin, voyons, madame, ne me dites pas que c'est vous qui avez mis l'annonce. Mais bien sûr que c'est moi. Et vous l'avez mise pour vous-même? Mais bien sûr, ces choses-là se font directement, n'est-ce pas? Ah oui, ça, je vous dis pas le contraire, mais alors ça ne va pas du tout, n'est-ce pourquoi, pas? Pourquoi, qu'est-ce qu'il y a? Ah bah, il y a que... C'est la question d'argent qui vous gêne. Comment ça? Oui, est-ce que vos moyens financiers vous empêchent de prendre une décision pour conclure? Ah bah, conclure, conclure. Mais je vous rassure tout de suite, mes exigences seront très modestes avec quelqu'un qui me plaît. Oui, ça, je vous dis pas le contraire, mais... Ah, et vous me plaisez beaucoup. Oui, peut-être, mais... Car si vous habitez chez moi, c'est un peu comme un mariage, n'est-ce pas? Alors je pense que vous ne voyez pas l'inconvénient que ce soit moi qui traite pour moi-même. Je suis majeur, n'est-ce pas? Oh là oui! Oh là là! Et largement! Vous voyez? Enfin, c'est justement parce que vous êtes très largement majeur que ça ne peut pas aller pour moi, n'est-ce pas? Mais comment pouvez-vous dire ça? Vous n'avez rien vu? Ah, mais si! Ah, non! Je ne vous ai encore rien montré! Mais enfin, c'est pas la peine de m'en montrer plus! Oh, mais si, je suis très propre! Ah, mais ça, je ne dis pas le contraire, madame! La propreté, c'est un tic chez moi. Et très soigneuse aussi. Alors ici, vous serez comme chez vous. Ben, vous y venez, mais... Voyez-vous? À n'importe qui, j'aurais demandé un versement mensuel de 6005. De 6005? Ah, ah oui, vu les prix qui se pratiquent, je ne suis pas cher. Ah, vous trouvez? Non, mais je connais ma valeur. Hein. Enfin, ça, chacun fait son estimation personnelle. Hein. Voilà. Et moi, je trouve que je vaux 6005. Oui, ça, c'est vous qui le dites. Enfin, je vaux 6005 pour n'importe qui. Mais avec vous, si vous me donnez 6000, ça ira. Ah bon? Avec moi, 6000, c'est là. Parce que c'est vous, c'est un forfait. Oui, ça c'est un véritable forfait. Oui, c'est très raisonnable. Raisonnable? Mais non, madame, c'est pas raisonnable. Mais enfin, rendez-vous compte de tout le bien-être que je vous procurerai. Oh ben, vous doutez de rien. Comment ça? Enfin, voyons, madame, regardez-vous et regardez-moi. Eh bien oui, et je vous trouve tout à fait à mon goût. Bien entendu, je vous demanderai de me payer l'eau, l'électricité et le gaz en plus, n'est-ce pas? Ah bon, parce que c'est pas compris dans votre forfait. Non, non, non, ça dépendra de l'importance de votre consommation. C'est comme pour le téléphone, puisque je vous laisserai tout seul, comme un grand. Ah bon? Mais nous nous verrons une fois par mois. Ah, une fois? Oui, pour que vous me donniez les 6000 francs. Ah, mais seulement pour ça? Oui, enfin, je pourrais passer toute la nuit ici si vous avez... Non, compris. C'est pas la peine, ça va, je vous... À propos, il y avait PPS dans l'annonce. Oui, ah bah alors je suis bien content que vous m'en parliez, car je tiens à vous dire franchement, madame, ne comptez pas sur moi pour pratiquer la sexualité. Eh bien, c'est parfait. Ah bon? Ah oui, parce que je ne voudrais pas de quelqu'un qui amène ici les femmes pour casser mes bibelots. Ah oui, mais non, mais ça, il n'est pas question. Alors, ça ira très bien. Mais non, madame, ça ne va pas du tout. Au revoir, madame. Mais comment ça, vous ne voulez même pas visiter? Visiter? Ah non, non, c'est inutile. Mais j'en doute pourquoi, puisque vous me convenez tout à fait. Ah, mais ça, que je vous convienne, je n'en doute pas. Il ne doit pas y avoir foule. Non, mais monsieur, je vous fais une offre très correcte. Mais non, madame, c'est pas correct. Bon, écoutez, allez. Je fais encore un effort. Tenez, avec vous, à 5005, je marche. Ah bon? À 5005, vous marchez? Oui, c'est bien, non? Oh oui, c'est formidable, c'était pas tant, c'est ça. Alors, je vais vous dire, si vous marchez, moi, je cours. Eh bien, j'en suis ravie. Non, je cours pour m'en aller. Mais pourquoi? Vous trouvez que je suis encore trop chère? Ah oui, parce que alors, voyez-vous, même à ce prix-là... Non, non, non, écoutez, attendez, attendez, attendez. Encore un petit verre de chartreuse. Elle est bonne, n'est-ce pas? Ah, ça, c'est vrai. Et rien qu'à cause d'elle, je serais pas venu pour rien. Ah, je sens que nous allons arriver à nous mettre d'accord. D'accord pour la chartreuse. Alors, encore un petit peu? Oh, bah, si vous insistez. Bah oui, bah oui, laissez-vous faire. Ah. Oh. Ça chauffe à l'intérieur, hein? C'est excellent pour le rhume. Ah bon? Ah bah alors si c'est bon pour le rhume... Oui. C'est un produit naturel, hein? C'est fait avec des plantes. Ah oui? Alors c'est fait avec des plantes qui donnent chaud, hein? Bien ôter votre manteau. Ben non, c'est pas la peine, parce que comme je vais m'en aller tout de suite, je vais pas m'installer, n'est-ce pas? Hein? Ce serait stupide. Alors, tiens, je vais vous dire une bonne chose. Rien qu'en veston, je suis mieux. En veston, vous êtes mieux? Ah oui, beaucoup mieux. Je peux en prendre encore un pif. Mais avec joie. Oh. On sent que c'est fait avec des plantes naturelles. Oui, n'est-ce pas? Ah oui, mais voyez-vous, en arrivant, j'avais peur que ça me saoule. Ah ouais? Ouais. Eh ben, pas du tout, ça saoule pas. Ça chauffe, c'est tout. Alors, vous dire à quel point ça chauffe, c'est qu'en arrivant, j'avais les plantes gelées. Les plantes? Oui, mes plantes. Ben oui, mes plantes à moi, quoi. Bon, alors, pour mes 5005, je les préférerais en liquide. Hein. En liquide... liquide? Non, oui, pas de chèque. Il n'est pas question de chèque entre nous, beauté. Alors, nous sommes d'accord pour le liquide. Ah, ça, pour le liquide, nous sommes absolument d'accord. On sent que c'est fait avec la plante des pieds. Hein. Non, c'est fait avec des pieds de plantes. Ben oui, ben c'est bien ce que je dis. À Chartres, c'est les chartreux qui vont sur leur plante des pieds chercher les pieds des plantes pour fabriquer la chartreuse de Chartres. Mais attention, parce qu'ils ne l'attirent pas des pieds des plantes, mais de la plante des pieds. Ah, tiens, beauté. Alors, vous payez un mois d'avance. D'avance à l'allumage. C'est ça, mais vous me donnez mes 5005. Que je te donne 5005? Voilà. Ben, c'est plutôt toi qui devrais me les donner. Je comprends pas. Enfin, écoute, beauté, regardons-nous bien en face. Oui, quoi? Alors, ben où est-ce qu'elle est passée? Je suis là. Ben t'avais changé de côté. Oui, alors? Ben alors, écoute, réponds. De nous deux, lequel doit payer l'autre? Vous, bien sûr. Mais t'as pas compris. De nous deux, qui est-ce qui se vend? Eh bien, c'est moi, je me vends au moins immeublé. C'est donc vous qui pouvez payer. Bon, mais dis, tu m'as pas regardé, là? Je me déculotte, beauté. Non, mais c'est une épidémie de déculottage. Arrêtez, maman. Non, parce que je veux que tu vois mes jambes. Je suis en parfait état de marche, quoi. Et je vais te dire, même si j'étais à vendre, je vaudrais beaucoup plus que 5005. Non, mais t'as chancé, qu'est-ce qui vous prend? Eh ben, il me prend que je vais pas t'aligner 5500 balles pour pratiquer la sexualité avec un immeuble en démolition. Mais qu'est-ce que vous racontez? Ah non, je me carapate, moi. Et je vais te dire, avec toi au train, je pourrais même enclencher le turban. Oh, mais monsieur! Oh non, non, écoute, il faut chercher ailleurs, parce que t'entends, beauté, t'entends. Moi, je te toucherai jamais. Me toucher? Ben oui, toi, ta chartreuse, tes plantes de pied. Non, je suis complètement fou, hein. Mais c'est toi, la givrée, bon, regarde-toi, dans une glace à la fraise. Ah non, mais là, monsieur, comme je ne vous permettrai pas. Ce que tu veux, beauté. Ce que tu veux. Mais moi, je lève mon verre à ma belle jeunesse intacte. Et je te dis... Mais qu'est-ce que vous avez? Mais qu'est-ce qu'il a? Mon Dieu! Seigneur! Marie-Louise! Marie-Louise! Voilà, et en plus on a sonné! Mais levez-vous, voyons! Marie-Louise! Mais quel sujet, patronne? Mais qu'est-ce que c'est que ce machin? Au secours, locataire! Mais pourquoi est-ce qu'il est tout nu? Il avait trop chaud, il est tombé raide! Bizarre, bizarre! Et comment va l'autre candidat? Complètement tordu! Il dit qu'il n'y a que vous avec votre main de velours. Bon, puisque c'est ça, j'y vais. Bon sang, ça ressonne. Écoute, enlève-moi tout ça et débarrasse-moi de ce corps. Ah! Donnez-moi un coup de main. Ah, bon sang. Comment ça peut peser autant que ça, un locataire? Ah, décidément, mais quelle difficulté pour louer un appartement. Ah oui, c'est pas de la tarte. Bon, écoute, va voir ce que c'est, et si c'est un nouveau soupirant, tu m'appelles, hein. Vivi, voilà, voilà. Ça fait 5 minutes que je sonne, j'avais oublié ma clé. Mais je peux pas le savoir, hein. Tiens, il y avait une lettre sur le paillasson. Pour moi? Non, pour Janine. Mais je vais la lui donner. Dis-moi, quelqu'un est venu pour mon annonce? Ah non, pour toi encore personne. Heureusement, j'ai cru que je ne rentrerais jamais tellement il y avait de bouteillage. Mais puisque t'es là, c'est l'essentiel. Non, mais c'est qu'il me le faut absolument, ce Spartacus. Absolument, moi j'ai plus une minute à perdre. On a sonné, c'est sûrement lui. Sûrement, j'y vais. Non, non, laisse-moi. C'est comme tu veux. Qu'est-ce que c'est encore de ces trucs? C'est pas un vestiaire, c'est des puces! Madame! Bonjour monsieur, vous désirez? Bien pour la non. Mais oui, c'est bien ça, parfaitement, vous êtes ici, entrez! Merci, merci bien! Je vous attendais plus tôt! Ah, Ah oui, mais l'heure n'était pas précisée dans l'annonce, alors n'est-ce pas? Je sais, mais je vous dis ça parce que c'est moi qui suis très en retard. Ah bah ben, si je vous dérange, je peux revenir un autre jour. Oh, hein. Mais vous n'y pensez pas, voyons. Vous êtes là. Non, simplement, il ne faut pas que ça traîne avec Spartacus. Ah oui, ah bah ben, moi c'est Bordier, comme une bordure, quoi, vous voyez. Oui, je vois. Enchanté, Bordier. Mais moi-même. Eh bien alors, installez-vous. Que je m'installe. Oui, vous n'avez pas amené d'accessoires. Mes affaires? Oui, enfin ce qu'il vous faut d'habitude. Votre nécessaire? Oh, ben c'est toujours embêtant de se charger pour rien, n'est-ce pas? Comment ça? Ben oui, je veux dire, apporter une valise quand on n'est pas sûr que ce qu'on va trouver correspond avec ce qu'on cherche, n'est-ce pas? Je ne dirais pas que c'est du premier choix. Ah non? Non, mais l'ensemble a l'air possible. Je pense que ça ira. Ah ben, si vous le dites, alors... Alors ça, c'est la plus grande pièce de l'appartement, ça? Oui, elle est en plein midi, il y a beaucoup trop de soleil. Ah, et vous n'aimez pas le soleil? Non, pas quand je travaille. Eh ben, je comprends ça. Rester enfermé quand il fait beau dehors, un petit vent frais qui agite les arbres, ça démoralise. Bon, enfin, si ça ne vous dérange pas, on va commencer. Mais très volontiers. Par où vous voudrez. À propos, vous avez bien lu l'annonce? Et oui, pourquoi? Il y avait PPS, ce n'est pas pour rien. Ça, si c'est ça qui vous inquiète, rassurez-vous. Comment ça? Bon, en effet, oui, bon, j'avais une petite amie, mais elle m'a trompé. Alors je l'ai quittée, je l'ai plus, et je lui ai laissé mon studio. Oui, bon, écoutez, votre vie privée ne m'intéresse pas. Ah oui, non, mais si je vous dis ça, c'est simplement pour vous confirmer ma bonne foi. En déménageant, j'espère retrouver, comment dire, mon indépendance. Je serai donc seul, c'est pour ça que je suis ici. Oui, enfin ça, je ne vous dis pas le contraire. Mais si j'ai spécifié PPS dans l'annonce, c'est que je veux pouvoir vérifier. Oh, mais ça, j'ai qu'une parole. Eh bien, je ne demande qu'à vous croire. Alors, montrez. Montrez. Eh bien, oui, pour que je me rende compte par moi-même. Montrez. Oui, mais montrez quoi? Écoutez, je vous ai déjà dit que j'étais très en retard. Oui, en effet, oui. Bon, alors, ne faites pas perdre davantage de temps. Oui, non, écoutez, mademoiselle... Ne discutez pas, ôtez vos chaussures. Je vous demande pardon. Enlevez vos chaussures. Vous voulez que j'enlève mes chaussures? Oui. Oui, non, écoutez, mademoiselle... Mais ne discutez pas. Ah bon? Ah bon, bon, bah, c'est bien parce que c'est difficile de se loger à l'heure actuelle qu'il faut penser comme ça. Voilà, ces chaussures. Ouais, non, mais c'est sérieux, Tout à fait. Vraiment? Mais oui, au télé. Voilà, et voilà. Bon, et vos chaussettes? Chaussettes. Bah oui, sans ça, je ne peux pas voir vos pieds. Ah, parce que vous voulez voir mes pieds? Mais oui, montrez-les-moi. Vous voulez que je vous montre mes pieds? Mais naturellement, j'y tiens. Vous y tenez? Mais absolument, puisque c'est une condition de base. Ah, bah oui, c'est en effet, mes pieds, c'est une base. Alors? Bah, c'est-à-dire que si j'enlève mes chaussettes, là, ma base va être nue, je vous avertis. Ça vous gêne? Ah, bah c'est-à-dire que... Oh, il y a de la moquette, alors. Oui, non, mais moquette pour moquette, c'est pas seulement pour ça. Bon, alors dépêchez-vous que je puisse les examiner. Mais non, mais examinez quoi? Eh bien, vos pieds! Parce que vous allez les examiner! Mais évidemment! J'ai eu trop de surprises désagréables, vous savez, j'ai appris à me méfier! Ah bon? Écoutez, je veux bien vous les montrer, puisque vous avez l'air d'y attacher beaucoup d'importance! Enfin, je suis confus, hein! Ça passera! Ce n'est tout de même pas la première fois que vous montrez vos pieds à une femme, n'est-ce pas? Non, enfin, le côté revue de détail, c'est pas pour en courant non plus! Alors? Alors, à chaque fois, il faut que je fasse un effort sur moi-même. Non, mais écoutez, il ne faut pas vous complexer comme ça. Avec moi, vous pouvez avoir confiance. Oui, non, mais confiance, pas confiance, vous savez. Non, c'est vraiment, vous savez, c'est vraiment parce que je voudrais me trouver chez moi, là, dans un logement qui me convient. Ah, dites, à propos, la cuisine est équipée? Oui, pourquoi? Ah, c'est pour savoir, j'adore les plats cuisinés. Bon, écoutez, si vous êtes gentil, que vous vous dépêchez un peu, ça m'arrangera. Et pour la peine, je vous inviterai à dîner, là. Oh, je voudrais pas abuser. Non. Comme ça, vous êtes content? Ah oui, merci. Enfin, surpris, mais content. merci beaucoup. Bon, alors, ces pieds, ça vient? Bah, après tout, je me dis qu'il y a que le premier pied qui coûte. Hein. Allons-y. Pardon, je m'entends. Voilà. Voilà. Eh oui, le voilà, il est là. Voilà le gauche, il a l'air d'aller. Ah, le gauche vous convient. Oui. Maintenant le droit. Le droit. Le pied droit. Ah oui, vous voulez la paire. Voilà, le droit, voilà, le voilà, et voilà tout. Tournez-le. Si ça vous intéresse, là, sur l'orteil, j'ai un corps qui me fait souffrir quand le temps va changer. Tournez le gauche. Ah, moi, je peux le tourner dans tous les sens. Je ne vois rien. Et voilà, comme ça, je peux faire comme ça. Bien, ça va. Ah, bah, écoutez, je suis heureux qu'il vous plaise. Bon, je peux remettre mes chaussettes? Mais pas du tout, ça coupe la ligne de la jambe. Oui, non, je vous dis pas le contraire, mais c'est que maintenant j'aurais bien voulu visiter, mais visiter quoi? Bah, l'appartement. Mais enfin, mais ça vous intéresse? Oh, bah un peu, tout de même, oui. On verra ça tout à l'heure, on n'est pas là pour s'amuser. Oui, non, c'est entendu, mais... Montez votre veston, préparez-vous. Et que j'enlève mon veston? Naturellement. Oui, non, mais je vais être en chemise, moi. Eh bien, vous l'ôterez. Ma chemise? Mais évidemment. Vous voulez que j'enlève ma chemise? Mais oui, allez-y, puisque vous êtes en confiance. Oui, non, mais quand même, c'est entendu, mais quand même... Bon, alors, je vous prends par la douceur, laissez-vous faire. Oui, non, mais écoutez, mademoiselle... C'est vraiment chaque fois aussi pénible. Oh, ben, 9 fois sur 10, parce que je suis plutôt timide, voyez-vous. Mais pas avec moi, voyons. Oui, moi, je suis comme un docteur. Mais non, je vous dis pas le contraire, ça m'en... Allons, pas d'explication. Vous allez me montrer tout de suite vos jolis pectoraux. Mais je suis pectoraux. Mais oui. Non, mais mademoiselle. Oh, allez, on est content. Mais laissez-vous faire. Vous n'êtes plus un enfant tout de même. Ben non, tiens, c'est pour ça que ça me gêne. Alors déshabillez-vous tout seul. Que je quoi? Écoutez, je n'ai jamais rencontré quelqu'un comme vous. Ah non, ah non. Ah non, non, ça sera la première fois que je vous vois. Oui, ça, bien sûr, là, oui. Bon, on voit que vous avez roulé. Oh, roulé. Vous êtes un homme, quoi. Un homme, ah oui, ça, bien sûr. Eh bien, alors. Dites donc, c'est pas très ferme, tout ça. Les abdominaux sont relâchés. Chatouillez. Allez, tournez-vous. Ah oui, oui, oui. Ah non, comme ça, c'est comme ça. Oui. Les dorsaux se tiennent mieux. Ah, vous trouvez? Ah oh, oui, ils en ont l'air, en tout cas. Allez, montrez-moi vos biceps. Ah, mes biceps? Oui. Comme ça... Quoi, c'est tout? Ah, bah, là, je suis au maximum. Eh bien, c'est pas extra, hein? Non, non, non. Oh, non. Allez, on descend. Que je... Allez, pas mon tricot! Non! Mon tricot! Eh bien, dites donc. Vous n'êtes pas gâté en muscles, hein? Non, mais qu'est-ce que vous voulez? Ça, c'est la vie moderne, on manque d'exercice. Vous êtes plutôt gras-gras, hein? C'est des gâteaux. Eh bien, vous avez tort. Vous devriez soigner votre capital travail. Mon capital travail? Eh bien, oui, votre corps. Vous trouvez que mon corps est un capital, ou... Il me semble, pas à vous. Bah, c'est-à-dire que j'avais jamais envisagé mon corps sous cette angle-là. Eh bien, vous devriez. Ôtez votre pantalon. Naturellement. Vous voulez que j'enlève mon pantalon? Mais c'est évident. Mais non, mais je vais être tout nu. Mais c'est bien ce que je veux. Allez, dépêchez-vous, déshabillez-vous complètement. Tout nu. Je suis en français, non? Non, écoutez, je vous assure, ça me gêne énormément. Écoutez, vous avez fait assez de manières. Maintenant, ça suffit. Oui, non, écoutez, je suis surpris. Là, mettez-vous à ma place. Mais non, c'est vous qui êtes là pour ça, pas moi. Ou alors, il ne fallait pas venir. Oui, mais enfin, tout ça est si brusque. Eh bien, alors, décontractez-vous. Si vous êtes crispé, vous ne m'intéressez pas. Ah non. Alors, à votre aise. Détendu. Relax. Je ne vous veux pas dans une attitude d'esclave. Ah non. Non, n'oubliez pas que vous êtes affranchi. Oh, affranchi. Et que vous allez être un festin. Ah, un festin. Oui, le mien. Enfin, celui de Spartacus. Alors, je veux un visage épanoui. Vous allez vous vautrer dans les nourritures terrestres. Ah, je vais me vautrer dans les... Il me faut un jouisseur. Oh, jouisseur. Un jouisseur. Non, mais enfin, c'est clair. Mais dis donc, vous avez trop de complexes. Aucun. Eh, je vois ça, c'est la première fois que je rencontre quelqu'un comme vous. Ah bon? Bah. Alors, en somme, je vous plais? Ah, oui. Eh bien, comme vous êtes très sympa aussi, ça va être épatant, vous allez voir. Oui, ça, j'en suis sûr. Ôtez votre pantalon. Mais oui, pour que je voie l'ensemble. L'ensemble? Vous en entier? Ah oui, l'ensemble entièrement du toit, vous. Voilà. Et ne vous en faites pas, des types tout nus, j'en ai déjà vu au moins 50. 50? Qu'est-ce que je vous le dis? Vous avez débuté jeune. J'ai commencé à Bordeaux et puis je suis montée à Paris. Ah voilà, c'est ça. Ah, ouais. Rien de tel que la capitale pour se perfectionner. Eh oui, ça c'est en forgeant qu'on devient... Voilà. Vous avez comme qui dirait la vocation. Tout à fait. Alors ne faites plus d'histoire, allez-y. Dites, quoi? Nous sommes bien seuls au moins, oui. Oui, quelle importance. Allez, enlevez-le maintenant. Dites, je peux garder ma montre? Si vous voulez. Mais non, comme ça, je me sentirai moins nu. Allez, dépêchez-vous. semaine, mon Dieu. Si ce matin, comme ça, en me levant, on m'avait dit qu'on allait louer un appartement. Ça y est, voilà, enfin. Eh oui, enfin voilà. Non, mais vous n'avez pas de mollet en plus. Ah non, tout ce que j'ai là. Mais non, je dis en plus, vous n'avez pas de mollet. Ah non, chez moi, c'est plutôt au moins. Bon, allez, passez ça. Hein, ça? Ça! Je l'ai trouvé chez un costumier. Vous voulez que j'enfile ce costume de théâtre? Bien entendu. Allez, allez, allez, allez, allez, allez. C'est pour vous aspirer, ça. Mais bien sûr, vous êtes l'incarnation et moi j'ai besoin d'imagination. Ah, bah, de l'imagination, vous en avez. Je sais pas où vous allez la chercher, mais vous en avez. Heureusement, parce que ce n'est pas pour vous vexer, mais j'ai vu mieux que vous dans le genre Homo erectus. Bah, dites donc, vous n'allez pas être dans la cuillère, non plus. Moi, je vous le dis comme je le pense, c'est tout. Ouais, bah, c'est bien comme ça que je le prends. Et si je suis obligée de transposer, ce n'est pas de ma faute, alors ne discutez plus. Eh bah, alors, bon pour le roman. Oui, mettez-le. En fait, après m'avoir déshabillé, vous me rhabillez, quoi. Voilà. J'aurais quand même bien voulu visiter, moi. Non, mais c'est une idée fixe. Et vous visiterez après si on a le temps. J'ai l'air de quoi, moi, là-dedans? Ne vous occupez pas de votre air si ça me convient pour vous croquer. Naturellement. Penchez-vous. Eh, mais je me penche, si vous voulez. Mais non, en arrière, cambrez-vous. Ah, que je me cambre? Oui, pourquoi? Eh bien, pour que je me rende compte sous quel angle je vais vous prendre. Pas la peine d'avoir cet air effaré. Ça n'a jamais fait de mal à personne, vous savez. Mais non, ça vient sûr. Allez, maintenant, allongez-vous. Comme ça, là, au milieu du salon, là. Sur le canapé. Oui, non, ça serait pas plus intime dans votre chambre. Ah, non, ma chambre est trop petite. Oui, non, mais il faut pas beaucoup de place. Pour moi, si. J'ai besoin de recul. Mais vous êtes une terrible. Mais non, simplement, je cherche la meilleure position. Oui, bah, faudrait pas tarder à la trouver, maintenant. Allons-y. Écoutez, je comprends que ça vous énerve, mais... Ouais, non, faudrait pas tarder à attaquer, maintenant. Allons-y. Pour attaquer. Oui, bon, on attaque d'abord, puis on se concentre après. Allons-y. Non, mais dites donc, je connais ma façon de travailler, hein. Alors, si vous voulez que ça marche bien entre nous, laissez-moi prendre les initiatives. Je sais, je vois ce qui manque. Ne discutez plus. Mettez-vous là. Eh ben voilà, alors ça, je tranquille, quoi. Assis. Voilà. Je savais bien que j'oubliais quelque chose. Ça se complique, hein. Mais non. N'ayez pas peur que ça fasse un peu pompier. Mais non, mettez-le. C'est bien pour vous faire plaisir. Voilà, enfin, c'est mieux, ça prend tournure. Ah oui, vous trouvez, vraiment. Oh oui, épatant. Vous êtes une terrible. Maintenant, allongez-vous là. Bah oui, je vais m'allonger là avec vous, oui. Quoi? Qui c'est qui va venir sur le canapé avec son caravan? Non, mais ça va pas. Ah bah si, ça va très bien, au contraire. Laissez-moi, qu'est-ce qui vous prend? Bah, il me prend, je me prends vous, tiens. Laissez-moi, qu'est-ce que c'est que ces manières? Ah, qui voulait un jouisseur? Bah, tu vas l'avoir, mais... Je me prends peut-être, mais maintenant, je suis épris. Vous êtes complètement cinglé. Oh oui, je suis cinglé. Oh, je suis cinglé de toi, maintenant. Ah, t'as voulu voir mes pieds? Bon, je t'ai montré mes pieds. Bon, voilà. Ah, t'as voulu voir tout nu? Je me suis mis tout nu, au contraire. Là, ça. T'as voulu me déguiser en Romain parce que t'es un peu siphonné. Je me suis déguisé en Romain. Bon, mais maintenant tu vas l'avoir, Bénur. Rien, fais ton prix. Allons-y. Ah oui, tu restes tout droit. Allons-y. Mais lâchez-moi. Ça va, hé. Non, pas. Que je suis là pour l'annonce. Qu'est-ce que j'entends? Vous venez pour l'annonce? Ah oui, je suis à cette question. Oh, ça alors, ce culot. Elle me volerait les affaires sous le nez. Ah, mais chuchu. Tais-toi. Mais qu'est-ce que vous faites dans cet état? C'est elle qui a voulu. Quoi? Mais enfin, vous êtes bienvenue pour poser. Moi, poser, pas du tout. Alors ça, c'est la meilleure. Ah oui, la meilleure, et tu me le paieras. Me prendre mes clients. Ah bah, chacun a besoin de vie, c'est entendu, mais il y a façon et façon. Alors ça, c'est insensé. Ah oui, vraiment insensé. Ah, venez, monsieur, venez. Oui, où ça? Dans ma chambre. Non, mais nous serons plus tranquilles qu'ici. Oui, oh, bah, vous comprenez les choses. Oui. Vous... Attends, où est-ce que je suis tombé, moi? À la bonne adresse, monsieur, faites-moi confiance. Ah, je dois vous dire, je commence toujours par de la théorie. Hein. Oui, dans la théorie, c'est bien, mais moi, c'est la pratique. Ah, non, mais la pratique suivra, vous allez voir. Mais j'y compte bien. Alors, pour une adresse, c'est une adresse. C'est même une bonne. Bon, alors, si... si avec ça, ça marche pas, je pourrais toujours me faire rembourser, c'est garanti. Satisfait ou remboursé. Vivement que je pratique la sexualité. Bonjour, mademoiselle. Bonjour, monsieur. Ici pour l'anneau. Oui, oui, entrez. Merci bien. Mais attention, vous êtes bien là pour PPS. Ah, ça c'est sûr. Ah, il n'y a pas de doute, vous êtes pour moi. Pour vous? Oui, je peux même dire que je vous attendais. Ah bon? Oh oui, avec impatience. Ah, alors si j'avais su, je serais pas venu, Largo. Comment? Eh bien non, je serais venu... Allegretto, prestissimo. Oui, bon, écoutez, pour parler entre nous, je préférerais le français que le latin. Vous êtes marrante. Eh ben alors, je veux dire que si j'avais su que vous m'attendiez avec impatience, je serais arrivé plus vite, quoi. Ah, oui, ben voilà, comme ça, c'est clair. Oui, vous savez, il y a longtemps que je suis intéressé. Oui, ben alors, on est bien pareil, parce que moi aussi. Oui, ça, je sais. Comment ça, vous savez? Eh ben, parce que vous avez mis une annonce. Ah ben oui, évidemment. Personnellement, j'ai beaucoup travaillé la théorie. La théorie? Oui, il y a des revues spécialisées, n'est-ce pas? Oui, avec des dessins et puis des tas de photos. Oui, avec la position des mains, des pieds. Et de tout le reste du corps, ça oui. Alors comme tout est expliqué, on comprend très bien. Ah oui, ça on est sûr de pas se tromper. Seulement voilà, la théorie c'est très joli, mais c'est pas suffisant. Ah oui, ça c'est sûr qu'il faut que le reste suive. C'est aussi l'avis de ma tante. Votre tante? Oui, elle m'a dit, la pratique c'est plus intéressant. Elle a raison, c'est sûr que c'est mieux. Parce que moi, je veux pas en faire mon métier. C'est juste histoire de bien passer le temps. Ah oui, bah ça, on peut dire que ça le fait bien passer. Et bah c'est aussi la vie de ma tante. Et pour m'encourager, elle m'a promis pas mal d'argent. Ah, c'est bien ça. Oui, mais ça va coûter combien? Combien? J'ai pas encore pensé au prix. N'est-ce pas? Moi, je n'ai aucune idée, comme c'est la première fois. La première fois? Eh ben oui, la toute première. Voyons. Autrement dit, tu n'as jamais pratiqué? Ça, jamais. Oh ben dis donc, mais t'as quel âge? 18 ans. Wow! Ben là, en effet, dis donc, t'as pris du retard. C'est bien pour ça que je vais essayer de le rattraper. Je vais mettre les bouchées doubles. Oui! Non, allez, sans blague, c'est vraiment la toute première. Ah ça oui, tout ce qu'il y a de première. Ben ça, alors c'est drôle parce que c'est la première fois que ça m'arrive aussi. Vous, c'est pas possible. Pourquoi pas? Eh ben vous avez forcément pratiqué puisque vous avez mis l'annonce. Ah oui, oui. Ah oui, oui, ah oui, oui, ça oui. Mais c'est la première fois que je tombe sur un qui n'a jamais pratiqué. Ah oui, c'est embêtant. Ah non, c'est pas embêtant, non. Ah non, mais enfin, c'est comme qui dirait une initiation, quoi. C'est tout à fait ça. Tout à fait. Bon, alors, regarde-moi. Oui, quoi? Comment, quoi? Eh ben, je vous regarde. Oui. Et tu me trouves comment? À quel point de vue? Physique, bien sûr. Ah, bien, vous êtes bien. Vous avez ce qu'il faut, hein? Sérieux? Ah oui, je vous trouve très bien. Vous avez ce qu'il faut, hein? Ah, ça tombe bien, alors, parce que moi aussi... Vous vous trouvez bien? Oh non, toi, je te trouve bien aussi. Ah bon? Et ça a une importance? Pour la théorie, non, mais pour la pratique, c'est mieux. Ah, si vous le dites alors... Parce que tu comprends, il faut au moins qu'il y ait un courant de sympathie qui passe. Ah, ça c'est sûr. Eh ben, je peux vous dire que je le sens passer. Confidence, pour confidence, ça passe pour moi aussi. Ah, alors on va pouvoir travailler dans de bonnes conditions. Oui, je pense. Mais attention, hein, si vous voulez avoir un bon élève, je veux que vous soyez une maîtresse très exigeante. Ah bon? Très exigeante? Oui, parce que n'est-ce pas, je suis assez paresseux de nature. Alors il faudra me remuer. Il faudra tout m'apprendre consciencieusement. Oh, mais fais-moi confiance, je vais te dresser. Mm-hmm. Bah écoute, je crois que le mieux, c'est d'abord de te mettre à l'aise. À l'aise? Déshabille-toi. Que je me... Ah oui, les vêtements, c'est gênant. Gênant? Oui, pour se remuer, quoi, alors faut m'enlever tout ça. Bah, vraiment, vous croyez que c'est... Oui, enfin, est-ce que tu veux que je t'y dise ici, oui ou non? Ah oui, bien sûr. Bon. Alors, moi, je veux bien être une maîtresse exigeante, seulement faut faire tout ce que je te dis. Oui, bon, d'accord. Mais c'est une drôle de façon de pratiquer. Moi, c'est ma méthode. Bon, je ne discute pas. Bon. Mais qu'est-ce que vous faites? Je continue. En déboutonnant ma chemise? Ah oui, oui, je veux que tu sois vraiment à ton aise. Moi, je veux bien. Mais si ma tante me voyait, ta tante, on va pas lui demander de venir, hein? Oui, oh, ça, bien sûr. Bon, et ben maintenant, on enlève tout le reste. Tout le reste? Oui, tout. Non, mais vous rigolez. Oh, pas du tout, mais ça va pas tarder. Alors, s'il te plaît, tu obéis. Bobo, mais si ma tante me voyait... Laisse ta tante là où elle est. Ah, voilà. Voilà quoi? Eh ben, toi, embrasse-moi. Moi? Oui, toi. Ici? Bien sûr. Ah, eh ben, si ma tante me voyait, avec le fric qu'elle va me donner... Eh, écoute, fous-moi la paix avec ta tante et embrasse-moi. Voilà. Mais non, sur la bouche. Oh. Bon, enfin. Ah, c'est pas mal. Pour un début, c'est même bien. Ah oui, ça, je veux dire que commencer des leçons comme ça, ça me plaît aussi, moi. Alors, c'est parti! Excusez-moi pas encore pour cette méprise, madame. Mais désolé, alors, désolé. Hein. Oui, oui, oui. Attends, je vais débarrasser ma chambre. Ah, j'ai cru que c'était les puces, mais pas du tout. Ah, c'est les objets trouvés. J'ai pas mes lunettes là, mais... Oui, monsieur, je suis en caisse. Je savais pas que la maison faisait aussi les jeunes gens. Le sexe est indifférent pour la pratique. Bah oui, c'est avec la pratique qu'on tâte le mieux les pédales. Oui, parce que c'est avec les pédales qu'on fait vibrer l'instrument. Il paraît que c'est encore mieux à quatre mains qu'à deux. D'après ce que dit ma tante. Bah oui, ça c'est votre tante qui vous dit ça, ça fait... Oui, et elle s'y connaît. Alors comme vous êtes là, on pourrait faire un petit essai ensemble. Comment? Ben, ça serait du gâteau. Oui, non mais je mange pas de cette pâtisserie là. Eh ben, je regrette beaucoup parce que j'ai l'impression que vous auriez été un beau partenaire. Ah bah oui, ça on pense peut-être à côté de quelque chose de grand. Ça sûrement. Remarquez, vu la tête comme vous êtes, vous allez trouver quelqu'un pour vous payer un costume, ça va pas très bien. Mais si vous n'êtes pas venu pour ça, qu'est-ce que vous faites là? Moi? Vous attendez l'autobus? C'est ça, vous voyez, je me suis trompé de station parce que ça c'est pas ma ligne, vous voyez. Même puisque c'est votre affreuse. Alors Messieurs, messieurs, si vous me voyez dans cette tenue... Oh, moi dans celle-là comme moi dans la mienne... C'est que je suis venu pour l'annonce. Ah non, pour l'annonce, c'est moi, monsieur. Oh non, désolé, monsieur. Ah, c'est moi, c'est moi. Quoi, vous êtes là pour l'annonce? Bah oui, moi je suis là pour l'annonce. Mais non, c'est moi. Mais non, parce que c'est moi. Ah non, pour l'annonce, c'est moi. Mais jamais ma vie. Messieurs, messieurs, procédons par ordre. La meilleure preuve que c'est moi, voilà ma carte du syndicat. Ça, je savais pas qu'il fallait être au syndicat pour les dépensions. Il faut, monsieur, quand on se loue à l'heure ou à la journée, il faut être syndiqué. Même quand on loue au mois, c'est pareil. Mais quand on n'a jamais pratiqué. C'est une fausse syndiquée même avant de commencer. Ah oui, eh ben moi j'ai toujours refusé de m'inscrire au syndicat. Comment alors dit... Vous n'êtes syndiqué ni les uns ni les autres. Non, monsieur. Et nous en sommes fiers. Ah, oh, c'est comment? Et comment? Essayons-nous, messieurs, causons. Pas syndiqué en caleçon, ça va vous coûter un maximum. Ah oui, eh ben nous serions curieux de voir ça, n'est-ce pas? Mais comment? Tiens, laissez-moi vous expliquer. Inutile, alors. Alors là, vous, étant donné que vous êtes dans une spécialité historique, je vous considère comme caleçon indépendant. Oui, oh, indépendant de ma volonté, surtout, oui. Vous alors, caleçon moderne avec accessoires de tête. J'ai un gros rhume. Ah bon? Quant à vous là-bas, alors, caleçon 36-15, code garçon de bain, ça. Normalement, je ne devrais pas l'avoir. Comment ça? Eh ben, ces messieurs sont entrés au moment où une pianiste allait me l'enlever. Ah, ça change tout. Quand il s'agit de circonstances musicales, le caleçon est libre, bien sûr. Mais moi, monsieur, je suis caleçon classique. Médaillé de la foire de Béziers. Tout est en or. Très honoré, Bordier. Enchanté, Spartacus. J'ai déjà entendu ce nom-là quelque part. Donc, c'est moi. Allons, ah non, non, c'est moi. Mais non, c'est moi. Mais qu'est-ce que c'est que ce bruit? Mon Dieu, quatre hommes tout nus chez moi dans mon salon, c'est inouï. Mais c'est Byzance. C'est Byzance. Non, moi, c'est Bordier. Bordier. Et même en Romain, c'est absolument Byzance. Si seulement nous étions à la campagne. Messieurs, puis-je vous demander ce que vous faites chez moi dans cette tenue? Je suis là pour l'annonce. Ah non, pour l'annonce, c'est moi. Non, c'est moi pour l'annonce. Je vous dis que c'est moi. Je ne résisterai pas longtemps à votre hommage collectif. Mais enfin, Zézette, vous avez bien mis une annonce. Oui, pour louer mon appartement. Si c'est pour louer, c'est pour moi. Il fallait le dire. Ça va? Très bien, j'achète! Comment, vous êtes encore là, vous? Oui, j'ai loué, et vous pourrez rester tant que vous voudrez, en tout bien tout à l'heure! Vous poserez pour moi? Tant que vous voudrez aussi! Alors c'est très bien, allons-y, commençons tout de suite! Allons-y, vous êtes qui va prendre goût à mon corps! Et moi? 6 000, nous réloger, ça vous va? Pourquoi faire, Zézé? Garde chasse! C'est quoi la chasse gardée? C'est moi! Bon, quand ça marche! Allez, suivez-moi! Il faut que je bosse, hein. Tout augmente. Elle a dû prendre goût à me frictionner le corps. Mon petit corps. Et vous êtes là pour quoi, vous? Moi, pour les sons. Des sons de quoi? Mais des sons de piano. Avec elle. On vient de commencer, hein? Exact, et on va continuer. Alors, sinon, tu tombes bien, il y a une lettre pour toi. Alors, si je comprends bien, il y a toi qui me retrouve tout seul. Bah, qu'est-ce que vous voulez? Tout le monde peut pas être pourvu, hein? Toi, tu vas voir ce que tu vas voir. Je vais t'apprendre le corps à corps. De toute façon, je pourrais dire à ma tante que j'ai commencé le piano, puisque j'ai déjà fait une touche. Qu'est-ce qu'il y a? Suite à votre annonce au tableau d'affichage, j'ai l'honneur de vous faire savoir que le comité du conservatoire vous a nommé professeur stagiaire. Youpi! Bravo. C'est formidable. Dites-moi, vous... Vous avez quelqu'un dans votre vie? Non. Ah non, mais maintenant que j'ai une situation, je crois que je trouverai facilement. Ah oui, ça sûrement. Sûrement. Est-ce que vous me permettez de vous offrir ce modeste bouquet? Merci. Volontiers. Venez, on va les mettre dans un vase. Ça commencerait peut-être à prendre corps. Non, mais c'est très compliqué. Je ne vois pas la différence entre le pas collé et le pas collant. C'est pourtant simple. Cambrez-vous. Maintenant que votre taille est bien soutenue, ma gauche pousse votre droite. Et ma droite chasse votre gauche. Ah oui, alors si j'ai bien compris, ma gauche pousse votre droite et ma droite chasse votre gauche. Nous y sommes, continuez. C'est parti pour le pas coller. 1, 2, et 1, 2, 3, et c'est reparti.